Je repartirai sans un mot, assourdi par les échos. Chez moi d'atout que défaut, j'ai de la peste du gros métaux. 320 fonds dans la caisse, on essaiera d'arrêter le temps. Ce lien n'essuiera pas tes larmes, rien ne sera plus comme avant. Tout le temps passé sans toi et la tempête dont j'ai semé le vent. Ce lien n'essuiera pas mes larmes, rien ne sera plus comme avant. Je t'aime à l'imparfait, je t'aime à l'imparfait, je t'aime à l'imparfait, je t'aime à l'imparfait. On ne peut plus déplacer les problèmes entassés. On s'aimera au passé, je t'aime à l'imparfait. On s'est parlé, on s'est vu, on s'est menti, on s'est cru. On s'est aimé, mais ce fut en un regard, tu l'as su. 1 million et toi dans la caisse, on essaiera d'arrêter le temps. Ce lien n'essuiera pas tes larmes, rien ne sera plus comme avant. Tout le temps passé sans toi et la tempête dont j'ai semé le vent. Ce lien n'essuiera pas mes larmes, rien ne sera plus comme avant. Je t'aime à l'imparfait, je t'aime à l'imparfait, je t'aime à l'imparfait, je t'aime à l'imparfait. On ne peut plus déplacer les problèmes entassés. On s'aimera au passé, je t'aime à l'imparfait.